Le bulletin de sport local et régional de Danny Veilleux est une commandite de Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini. L'automne est arrivé et il est déjà le temps de se préparer pour la période froide qui s'en vient. Canadian Tire de Dolbeau-Mistassini vous offre une vaste gamme de pneus d'hiver dans les marques les plus prestigieuses à différents prix. Venez voir nos souffleurs à neige qui seront utiles pendant nos hivers rigoureux. Canadian Tire, 1751 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-2385. Consultez notre circulaire pour nos différents spéciaux et magasinez en ligne au canadiantire.ca. Bon matin tout le monde, Danny Veilleux, le bulletin de sport local et régional de l'édition du 21 novembre. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant qui est dans la section entrevue de danradiosport.com. On a parlé avec le maire de Dolbeau-Mistassini, Pascal Cloutier, pour un peu connaître comment ça va actuellement la campagne de financement pour le Centre Aqua Gym. Et Pascal Cloutier mentionne que ça va quand même très très bien. Ben, ça va très bien parce que la réception est très bonne. Toutes les au niveau de notre cabinet, là, les gens font des rencontres, sollicitent des entreprises. Donc, de ce côté-là, la réponse est positive. Donc, les gens, en grande partie, nous disent qu'ils vont donner. Au niveau individuel, ben là, on vient de débuter. Donc, de ce côté-là, on est en train de faire des approches, mais je pense qu'encore là, il y a déjà un engouement là, qui se manifeste à travers la population. OK. Et dans un deuxième temps, Pascal Cloutier mentionne que l'objectif de la campagne de financement est d'amasser 1,5 million et des entreprises de l'extérieur ont été sollicitées. Plusieurs entreprises de l'extérieur, okay. Effectivement. Donc, c'est prévu, c'est ce qui était fait. Et là, ben, on est en attente de réponse parce que c'est quand même des entreprises qu'il faut qu'ils passent ça à travers des différents comités là, pour approbation de montant, là. Donc on est en attente, mais oui, on a sollicité plusieurs entreprises de l'extérieur okay. Effectivement, donc c'est prévu, c'est ce qui était fait. Et là, ben on est en attente de réponse parce que c'est quand même des entreprises qu'il faut qu'ils passent ça à travers des différents comités là, pour approbation de montant, là. Donc on est en attente, mais oui, on a sollicité plusieurs entreprises de l'extérieur de. On sait que cette campagne de financement pourrait nuire à certains organismes qui sont déjà existants. Et Pascal Cloutier n'a aucune crainte là-dessus. Non, ça n'avait aucunement peur parce que ça, c'est vraiment une campagne de financement particulière qui ne revient pas tous les ans. Donc, comme vous dites, il y a plusieurs campagnes de financement qui reviennent annuellement. Puis la soupe populaire, d'ailleurs, va s'en venir. Puis moi, je suis vraiment pas inquiète pour la soupe populaire. Les gens sont toujours au rendez-vous. Donc ça, c'est vraiment à un moment donné que la piscine arrive. Donc là, on parle d'une campagne de financement vraiment là qui revient pas à tous les ans. Il y a eu une campagne de financement qui avait été faite dans le passé. Faut pas l'oublier, à la salle de spectacle qui avait pas nuit non plus. Donc moi, je pense que les gens comprennent que faut vraiment séparer cette campagne-là du reste. Puis moi, je pense qu'au bout de la ligne, ben oui, il y a des commerçants puis il y a des gens qui vont donner probablement plus cette année à cause du complexe aquatique. OK. On va vous donner maintenant le classement POC selon le site internet classementpoc.com. Donc, au niveau du Midget 2B, ben, les Castors de Dolbeau sont en première position. Les Ambassadeurs de Chicoutimi occupent le 56e rang et le Marcos Pop de Saint-Félicien occupe le 59e rang. Junior 2A, les Sables de Robertval sont au 16e rang et les Éperviers Normandins sont au 29e rang. Ligue simple lettre, maintenant il y avait des matchs dans la catégorie Atome A et victoire d'abord des Éperviers de Lac-Saint-Jean 4-3 sur les Sabres de Robertval, ça se passait dimanche dernier. Atome B maintenant, gain des Aiglons d'Alma 4-2 sur les Bulldogs de Saint-Félicien et également ben, les Castors de Dolbeau ont gagné 4-2 sur les Hurricanes de Mastouillage, donc ça se passait dimanche, les Genois d'Alma ont défait les Loups de Mistassini par la marque de 8-0. Et ça, c'était dans la catégorie Atome B. Maintenant, au niveau du Pee-Wee A, il y avait également des matchs qui nous intéressaient. Samedi, les Aiglons d'Alma 4-1 sur les Loups de Lac-Saint-Jean-Nord. Également, gain pour les Royals Métabetchouan 4-2 sur les Sabres de Robertval. Et dimanche, ben, défaite cinglante des Bulldogs Saint-Félicien 6-1. Contre les Aiglons d'Alma. Maintenant, du côté du Pee-Wee B, il y avait également des matchs et à noter que victoire facile samedi des Genois d'Alma 9-1 sur les Hurricanes de Mastouillage. et les Hurricanes qui ont perdu également 5-1 contre les Éperviers de Lac-Saint-Jean-Nord. Ça s'est déroulé dimanche. J'invite à écouter la section entrevue de danradiosport.com. Hier, on a parlé avec le coureur automobile Raphaël Lessard. Pascal Cloutier vient nous parler du Centre Aqua Gym et également Jason Lajeunesse vient nous parler de la chronique des Sabres de Roberval. Le sport local et régional à danradiosport.com.